Honnêtement, y a plus rien qui m'étonne. Je me sens perdu complètement. Mais fallait que je vous dise. Ils ont rêvé que j'allais arrêter de rapper. Mais je suis là, je bougerai pas tant que j'aurai pas palpé. En bas du B, des coups placés dans un classa. Moi j'avais peur du padré, c'est pour ça que je suis incassable. J'ai pas besoin de leur major pour me faire entendre. T'es mal les balles sur ma tête, j'ai rien d'attendre. J'arrêterai pas de rapper parce que c'est maladif. Puis des centaines de personnes me disent que je pourrais faire la diff. Et y'a des fois j'aime bien faire des petits sons posés. Puis y'a des matins je me sens de faire un casse comme Kaiser Sosé. J'ai abordé des sujets qu'il fallait oser. Anti-pointeur et anti-balance, moi j'en ai causé. On respecte les bonhommes, on est comme la Cosa nous. Et nos femmes c'est des lionnes, c'est pas des causettes. Je rappe toujours pour les mêmes, pour ma bande de l'ossa. T'as pas les gants dans un charbon, sur les mains on file les chaussettes. Et dans 10 piges avec ma pelage disparaît. J'ai toujours dit que sur les îles je finirais par me barrer. J'écoute pas les mythos ou les as qui paraît. Demande à mes frérots en tôle si c'est cool un 9 mètres carrés. Tu fais de la zik mais est-ce que le public t'entend? Faire des sous ou faire des classiques, dis-moi lequel est le plus tentant. Je me rappelle de mon premier texte dans le Vito. J'enregistrais chez Lorenzo, quartier car je me levais tôt. La moitié du tic sont se foutaient de ma gueule car j'articulais pas. Et puis j'ai pris toutes les critiques à cœur, maintenant qui veut les pas? J'avance dans le silence, moi je suis comme un guépard. Je serai présent à l'arrivée même si j'ai fait un faux départ. Et j'ai déjà gagné quand je vois le sourire de mes gosses. Je pars travailler le matin, c'est fini les négoces. J'ai fait la paix avec tous mes ennemis gauches. J'envie pas le train de vie des autres parce que pour l'avenir je bosse. J'suis pas ravi de tout ce que j'ai fait dans le passé. J'ai pas dit que j'étais à l'abri d'un fou qui voudrait me repasser. Même si avec le temps ma colère s'est tassée. Je me sens comme dans un océan, perdu comme un cétacé. On se fait du mal, on se fait du bien, bah c'est la vie. Y'a ceux qui refusent d'être en chien et ceux qui bavent derrière la vitre. La route est longue pour effleurer le paradis. Avant de finir dans la tombe que je perds, je peux pas le garantir. Tous les jours je repense à mon enfance que la rue a détruit. Maintenant je savoure la douceur parce que j'ai grandi dans le bruit. Ils sont rares les poteaux qui m'ont donné la pêche. Ils sont nombreux ceux qui ont agrandi la brèche. Je vais t'expliquer comment l'humain devient méchant. T'auras beau donner toute ta force, les gens qui t'aiment deviennent blessants. Un jour l'ancien m'a dit ça sert à rien de vouloir faire du bien. Parce que quand tu soulages du monde y'a que du mal qu'on se souvient. C'est devenu chelou, les petits frères ont cassé tous nos codes. Petit j'aurais fait le show avec les grands, j'aurais fini dans le coffre. Les hommes deviennent des femmes car c'est devenu la mode. Et y'a des gosses de même pas 14 ans qui ont déjà goûté la mort. Je me sens perdu dans un rap qui me représente pas. Où j'ai grandi y'a même des ex-potos qui cautionnent les lance-bas. Je regarde autour de moi et plus rien ne m'étonne. T'as vendu deux barrettes et dans tes sons tu dis que t'écoutes des tonnes. Si t'attends la reconnaissance, t'as déjà perdu. Depuis le jour de ma naissance, la haine autour de moi me perturbe. Et si demain tu perds, ils diront que c'était sûr. Alors qu'il y avait personne pour soigner mes blessures. Alors j'arrêterai pas tant que j'aurai pas croqué. Ma façon de voir les choses comme des billets, je ne l'ai pas troqué. Plus rien ne m'étonne comme ce minot parti trop tôt. Ou comme la guardia civile qui m'a percuté sur la moto. Raison.